Exercice 13, page 169. Je pense que Laurent le Prince connaissait son agresseur. Ce n'est pas un rôdeur entré par hasard chez Sécurix à la fermeture des bureaux. Le prince avait peut-être rendez-vous. Le problème, c'est qu'il n'avait pas d'agenda.